Yeah, sorry. It's okay. Yes. It was like the opposite. Oh yeah, I did it. Those things. Deftones hein? And JoJo. Je vais mettre ça. Tu t'es branché sur le vent. So, what do you think? Non, we have to work on that. Ouais, ouais, ouais, j'aime bien déjà la mélodie de base. It's kind of just adding vibes and noise. Et c'est cool avec la batterie aussi. J'entends pas trop le. Bah, disons qu'avec la batterie, c'est tellement plus simple de se raccorder au rythme parce qu'on perd le rythme en fait. Yeah, it's like, very in your face, so, you know, it's kind of loud. Mais ça sonne grave bien, ouais. Thank you. distorted guitar at some point. Change it, like put a big distortion, like a muff or something, a fuzz. Avec la guitare acoustique aussi, genre derrière. Avec une grosse histo par-dessus. Ça... Enfin, pour l'instant, le tone, c'est ça. The sound is very good for that too. Thank you. bas, c'est juste plus loin. J'aime trop. Ouais. c'est gaz. Mais à un moment, j'avais pensé à faire, au lieu de repartir sur cette accord, enfin, de faire le quatrième accord, tu vois. Because I'm not satisfied with the first one. Really. Yeah, but I was thinking about like another section, maybe we do this normally, this. Thank you. apparemment Larsen, t'es pas une... tu tournes le micro et tu le mets là-bas. Ok, ça marche. It's because I bleached my roots, so I look really good. three tones from Deftones. Apparently. Thank you. Thank you. that's in E major. E major? Yeah, E major. Yeah, that's what it's doing. But it's with like... Thank you.